Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers? Oh, c'est super cool! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société, comme à chaque fois, on va parler pendant une heure et peut-être même un peu plus si on est gourmand de jeux. Ça tombe bien. Et aujourd'hui, on retrouve nos deux invités, Dorian Chandelier, Louis-Émile de Réac, je ne sais plus, il a multiplié les pseudos. Et Yann Chauvière qui lui a un seul et unique pseudo, CDV, cœur de Vandale si vous êtes un peu nostalgique. Et aujourd'hui on va parler d'un truc assez qui rejoint un peu le dernier thème qu'on a évoqué avec nos invités, puisqu'on va parler de compétition. Qu'est-ce que la compétition, pourquoi, comment, quels sont les réseaux, pour faire la blague. Mais voilà, en gros, la réflexion est partie de, on parlait de difficultés, de société du spectacle. Et en fait, il y a une mise en scène de la difficulté aussi. On regarde des gens galérer, on regarde des gens faire des performances. Et qu'est-ce qui relève de la compétition? Qu'est-ce qui relève de la performance? De la performance sportive ou stylistique? On va le voir pendant une bonne heure. Tout d'abord, pour commencer, peut-être vous deux, comment vous vivez peut-être la compétition et comment vous la concevez chacun de votre manière? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on a tout souvent tendance à opposer dans le modèle du jeu, en tout cas coopération-compétition. C'est vrai qu'un jeu coopératif, on joue ensemble contre un système, on va dire grosso modo, et compétition, on joue ensemble les uns contre les autres. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent à dire que d'un point de vue éthique, je préférerais défendre les jeux coopératifs qui ne mettent pas les joueurs en concurrence. Mais du point de vue de la pratique, je préfère les jeux compétitifs. Notamment, je sais que sur des jeux coopératifs, vu qu'on joue aux jeux de plateau beaucoup avec Yann, en fait, je sais que, vu que le but, c'est de prendre des décisions rationnelles, au pire, je prendrai les mêmes décisions qu'Yann, au mieux, il prendra de meilleures décisions que moi. Donc, quitte à jouer en coopératif, souvent, je préfère laisser quelqu'un prendre les décisions et n'être plus qu'un exécutant. Ce qui n'est plus très motivant au final. Alors que dans un jeu compétitif, je sais qu'il est dans son coin en train de prendre des décisions rationnelles, ce qu'il cherche à gagner, et je vais essayer de faire que, au pire, mes décisions à côté ne soient pas ridicules et que je ne me fasse pas rouler dessus. Opposer de la résistance et au mieux, bien sûr, j'essaie de gagner. Et du coup, il y a quelque chose de motivant dans la compétition que je ne retrouve pas dans la coopération où je me dis, de toute manière, vu qu'on coopère, parfois, il vaut mieux ne rien faire et laisser les autres faire. Alors que dans la compétition, tu as toujours justement quelque chose qui revient dans le jeu, cet impératif d'action qui vient. C'est-à-dire que tu peux être passif dans le jeu de coopération, si tu es passif dans le jeu de compétition, tu te fais rouler dessus. Je vais juste ajouter une petite remarque. Du coup, ça pose la question, quelle est la différence entre compétition et adversité, qui est un peu le lien avec la difficulté qu'on a vue précédemment. Ça me semble. Compétition, c'est beaucoup plus strict. C'est beaucoup plus délimité. On peut en donner une définition très précise. Parce que là, quand on parlait de coopération, opposition, la compétition n'a de sens que dans l'opposition. Parce qu'on pourrait nous donner des faux contre-exemples du type, mais non, regardez une équipe de foot. Mais en fait, c'est de la coopération dans un cadre d'opposition. Puisque au final, ce qui est intéressant, c'est l'opposition des deux équipes. Donc, en fait, j'ai quasiment pas d'exemple. Si. Rarement de l'opposition, ce serait l'athlétisme, un des rares contre-exemples de sport où en fait, on se bat contre un absolu plus. Personne ne se rappelle qui a gagné telle course, tout le monde sait si telle ou telle personne a fait le record du monde. Donc c'est peut-être une modalité un peu différente, mais quoi qu'il en soit, l'opposition n'a pas de sens en coopération stricte. Quoi. Coopération contre, je ne sais pas quoi, dans le sport ou dans le jeu vidéo, ça, dans un cadre compétitif, ce sera assez curieux. Alors moi c'est pareil, je suis dans l'ambiguïté par rapport à la compétition, parce que d'un point de vue idéologique, je suis plutôt contre. Comme disait Jacquard, c'était vive le score, vive le sport à bas le score. Et l'idée, donc, c'était l'idée de pas mesurer les gens, pas les mettre en concurrence, en gros. Et la manière dont j'ai résolu ce nœud, c'est que toutes ces attitudes que je déteste, le classement dans la vie réelle, on va dire la vie économique, la vie sociale, je la déteste. Je l'adore en fait dans le cadre du jeu, qui est un cadre complètement réglé et contractuel et arbitraire, parce que l'idée c'est que c'est justement délimité dans le temps, sans incidence sur la vie, le reste de la vie sociale et économique. C'est-à-dire que j'ai envie de gagner, je ferai tout pour gagner, à l'exclusion de la triche, parce que je suis un joueur qui aime bien gagner dans les règles, on va dire. Je vais tout faire pour gagner, du moins pour essayer de bien jouer, en tout cas. Et la conséquence de ça, c'est que je vais peut-être gagner, en tout cas. Mais voilà, une fois que la parenthèse est terminée, bah le contrat s'arrête et la vie continue, et c'est pas grave. Ça n'a pas d'incidence. Donc moi, c'est comme ça que je résous un peu cette tension, parce qu'idéologiquement, ça m'a toujours posé un problème. Déjà, quand on joue, il n'y a pas de nécessité à le faire de manière compétitive. Je suis contre cette idée. On peut jouer pour tout un tas de raisons, l'immersion, la simulation, le plaisir, enfin tout un tas de motivations qui sont tout à fait louables. C'est pas plus louable parce qu'on joue de manière compétitive. Donc il y a toujours aussi l'idée de bien jouer en jouant la difficulté. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très connexe comme problématique parce qu'il y a l'idée vraiment de se dépasser, mais aussi peut-être de battre l'autre et de bien faire, donc de parvenir à bien réfléchir, avoir de la dextérité, etc. On est quand même mis à l'épreuve, on est presque mesuré. Mais du coup, dans un certain cadre très réglé qu'est le jeu, et pas au sacrifice du fun, selon moi, c'est tout à fait acceptable et très stimulant. Mais c'est plus l'idée d'essayer que d'y parvenir. Je vais pas dire non plus, l'important c'est de participer, mais l'important c'est pas de gagner non plus, c'est essayer de bien faire, avec ce qu'on peut au moment T, quoi. C'est en ce sens-là. Et dans l'idée de compétition, il y a aussi l'idée quand même d'une institution ou d'un groupe qui borne et qui légifère pour quand même cadrer, faire des leaderboards, organiser des compétitions, des tournois, des ligues. Il y a aussi cette idée souvent quand même de quelque chose d'un peu organisé et légitime avec des guillemets. Il y a une institution, peut-être pas d'État, mais en tout cas un organisme qui du coup voilà, légifère. Quand Yann dit que ça casse pas nécessairement le fun, moi je vais aussi me faire l'avocat des gens qui ne sont pas comme nous et pour qui ça casse le fun. Qui est que je me rends compte que moi-même, qui dans ma vie de tous les jours me considère, et je pense que je suis fondamentalement bienveillant et gentil envers les gens, quand j'arrive en situation de jeu, de compétition, il y a des trucs où par exemple je fais, ah lui il commence à me courir sur le haricot, à faire toujours cette action là qui me désavantage par exemple, etc. Ou même moi je joue beaucoup à Street Fighter et c'est vrai qu'il y a certains archétypes de joueurs, certains personnages, etc. où pareil ça m'agace, ça m'énerve, donc c'est des passions tristes. Et mais je sais que dans le cadre réglé du jeu, ça passe, c'est quelque chose que je suis, c'est un agacement que je l'accepte en moi-même et ça fait partie aussi du coup du jeu. C'est dans le, quand on parle de Kaiwa qui fait le cercle magique, etc. Quand on rentre dans le jeu, on accepte aussi même les passions tristes qui viennent du jeu. Mais il y a des gens qui, de base, n'aimant pas ces passions tristes, vont arriver dans le cercle du jeu en disant si ça me fait ressentir ces passions tristes, là, je refuse aussi ce cadre de jeu-là, aussi, ce qui est compréhensible. Hein. D'où l'importance du contrat quand on joue. On en revient, on en parlait au podcast précédent sur la difficulté. Il n'y a pas de petit rec, on ne peut pas dire aux gens il faut jouer comme ça, mais c'est important quand on commence une activité sportive, ludique, ce que vous voulez, d'être d'accord sur au moins justement ce fameux cercle, sur ce contrat, pour simplement bien jouer au même jeu, parce que cette attitude fait que les dynamiques sont pas les mêmes. C'est ça, bah, par exemple dans le cas de la compétition, on pense à des jeux de stratégie, jeux de gestion, on va dire Catan, on va prendre Dune comme exemple archétypique où ça se trahit, etc. C'est vrai que quelqu'un qui dans la vie de tous les jours ne dirait moi je n'accepte pas le mensonge, viens dans le cadre du jeu, n'a pas été prévenu du cadre ludique, etc. Je lui dis, viens, on fait une alliance contre machin, et après ça se passe bien, on repart en bon terme une fois qu'il est tombé, etc. Raté, je lui fais un coup dans le dos, je fais à l'autre par la même ailleurs, viens on fait une alliance contre machin, là, je lui ai dit qu'on allait faire une alliance contre toi, il va se retrouver dans cette position, on va pouvoir l'éliminer. Il va me dire, mais tu m'as menti. Et il y a certaines personnes pour qui je suis contre le mensonge, tu m'as menti dans le cadre du jeu, c'est une faute morale grave. Et c'est vrai que moi, l'attitude que j'ai, c'est bah oui, mais là on est dans des attitudes ludiques, donc te mentir, ça porte pas à conséquence. Mais je comprends qu'il y ait des gens pour qui le mensonge, même dans le cadre du jeu, soit une faute morale, par exemple. Est-ce que l'attitude compétitive, quand on ne l'a pas dans la vie de tous les jours, l'attitude compétitive en jeu, il n'y a pas aussi quelque chose de la catharsis de... Là, c'est un espace où, comme il n'y a pas de conséquences, justement, on peut se permettre d'être l'individu qu'on ne veut pas être éthiquement dans la vie de tous les jours, et donc de mentir, de trahir, d'être prêt à tout pour gagner. En plus, moi, je dirais que c'est un caractère acquis dans mon cas. J'ai jamais vraiment eu l'esprit de la gagne. Que ce soit, par exemple, à l'école, en sport, je me suis toujours. Moi, j'ai toujours le gars qui dit je vise 10. Je me souviens à la fac, quand il mettait les listes de notes au mur, je regardais ma note, je repartais, il y avait des gens qui me disaient hey, machin, il a eu combien? Je sais pas, j'ai pas regardé. Donc, j'étais pas dans l'attitude de me comparer. Et même dans le jeu, pendant longtemps, j'ai eu cette attitude de bah ouais, mais moi, je joue pour jouer, même quand j'essaye pas de gagner, c'est pas grave. Et c'est quand j'ai commencé à me mettre à jouer sérieusement en me disant si le but c'est d'éprouver ma décision, comme disait Yann donc dans l'ancien podcast sur la difficulté, de je teste mes décisions. Mais je teste mes décisions du coup face à d'autres joueurs et donc du coup j'attends des joueurs qui fassent ce que le cadre réglé du jeu prévoit pour que ma décision puisse être testée dans les meilleures conditions. Donc je veux jouer pour gagner dans le cadre tel que le jeu me l'autorise, mais je veux que les autres joueurs jouent pour gagner de la même manière aussi. S'il y a un joueur qui vient en disant mais moi je joue pour m'amuser, si je fais n'importe quoi, si faire un coup absurde ça m'augmente le fun, et moi je vais lui dire bah oui mais sauf que là ton coup il était absurde, donc du coup il était imprévisible, du coup et en plus ça te fait perdre, tu sais, parce qu'il y a des coups le coup absurde qui bah, mais tu vas perdre si tu fais ça, ouais mais moi je joue pas pour gagner, je fais, ah, ouais mais comme nous on joue pour gagner en fait on se retrouve dans des cas de, comme ça aussi dans la compétition. Alors c'est une hypothèse assez classique, la catharsis, justement, on revient chez les Grecs, là c'est pareil, expurger les mauvaises passions, un certain nombre de choses dans une certaine activité, alors c'était le théâtre avant, là, que ce soit le jeu, pourquoi pas. On parle de compétition, donc l'hypothèse serait de dire qu'on a vraiment eu une certaine envie d'être ou de faire quelque chose et ne voulant pas le faire parce que ça a un coût éthique trop élevé ou parce que le cadre ne le permet pas, parce qu'on n'est peut-être pas concurrentiel sur le marché ou ce genre de choses, on va le faire dans le cadre du jeu. C'est une hypothèse intéressante, mais j'ai du mal à... Peut-être ça peut concerner une... J'ai pas de certitude. Une marge, mais je pense que ça doit être assez marginal parce que... Alors là, je base que sur mon expérience, donc pas sur une étude, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais moi, je vais commencer par ça. J'éprouve aucune frustration à ne pas être concurrentiel sur le marché du travail ou sur tout un tas de choses. C'est des questions que je me suis jamais posées et je me suis jamais classé par rapport aux autres. Comme Dorian, en fait, je comparais pas spécialement mes résultats aux autres et même je le vis comme une agression en fait de plus en plus. Plus je me politise, plus je vis en fait la concurrence, qu'elle soit soi-disant libre ou pas libre, mais c'est comme une violence en fait. Je vois que des injustices, que des comportements agressifs qui m'exaspèrent et qui même me mettent mal à l'aise. Enfin, soit j'ai envie de pleurer, soit je me mets en roue, mais c'est horrible. C'est des trucs que je ne supporte pas. Et dans le cadre du jeu, en fait, ça me pose strictement aucun problème, quoi. Est-ce que c'est parce que justement dans le cadre du jeu c'est très bien réglé et que quelque part il y a tout le monde part un peu avec les mêmes bases quoi, enfin, et c'est surtout que ça ne porte pas à conséquence. Je veux dire, après bon, il y a des joueurs qui ont certains types aussi, mais c'est ce que je me dis, je fais un coup en fourbe à quelqu'un en jeu, au pire il sera vexé. Je fais une trahison. Il sera pas exproprié, quoi. Tu vois, ça, je fais une trahison à quelqu'un dans la vraie vie. Ça peut aller sur des conséquences relativement graves, etc. Je sais pas, je lui vole l'argent de son URSSAF ou un truc comme ça. Mais c'est marrant son truc sur les conséquences parce qu'en morale, en fait, il y a trois systèmes moraux, trois familles de systèmes moraux. Bon, il y en a une dont je parle pas trop, c'est l'éthique des vertus, mais les deux autres m'intéressent beaucoup. C'est les systèmes déontologiques et les systèmes conséquentialistes. C'est deux grandes familles. La déontologie, en fait, c'est les principes, en gros. Un petit peu à la Kant ou le christianisme ou autre, on va universaliser un petit peu les maximes. On ne fait pas quelque chose parce que c'est mal. C'est mal moralement, parce que cette action, on ne peut pas l'universaliser, en gros, comme le mensonge, comme le meurtre, etc. Et si on est conséquentialiste, on ne regarde pas le principe de l'action, on regarde les conséquences de l'action. À plus ou moins long terme, on regarde est-ce que cette action a des conséquences négatives ou positives. En fait, et c'est des familles morales radicalement opposées. Parce que dans un cas, par exemple, on peut pas tuer une personne pour en sauver 10. Dans l'autre, on peut complètement. C'est des conséquentialistes. C'est même un crime de pas tuer une personne pour en sauver 10. Là, c'est un peu toujours brutal, mais dans la réalité, des vraies questions se posent comme ça. Il suffit qu'on ait des responsabilités, qu'on soit chef d'État ou autre. Ça arrive assez souvent. Donc, quoi qu'il en soit, c'est des familles. Et ce que tu as évoqué, c'était rigolo. Tu as parlé des conséquences. C'est rigolo, mais. Mais c'est exactement ce que je posais. Quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas le mensonge, quoi qu'il arrive, et qui considère le mensonge comme une faute morale, même dans le cadre du jeu, et quelqu'un qui dit dans le cadre du jeu ça passe parce que ça porte pas à conséquence. Ouais, carrément. Mais c'est rigolo, c'était juste la partie là-dessus. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Parce que en parlant, tu voulais poser une question, parce que la limite, mes apartés, je peux les faire quand je veux. Oui, non, mais enfin, je voulais aborder une sorte de petit résumé d'abord de ce qu'on a dit en tout début. Si j'ai bien compris, la compétition soit une sorte de contrat entre des participants, donc ici des joueurs. Qui on leur dirait vous allez adopter telle attitude, une attitude compétitive pour le coup, donc de confrontation, dans un but cathartique. C'est ça, est-ce que j'ai bien résumé Sauf que moi la cathartique, je modère, moi je suis oui, pas modères, ouais. à titre d'hypothèse, mais j'ai l'impression que c'est pas le concept le plus pertinent, le plus parlant. Ou de dépassement de soi. Hein, ouais, mais c'est très différent pour le coup. Mais la cathartique, je sais pas, c'est vrai que c'est intéressant, mais j'ai... Parce qu'il pourrait y avoir la thèse inverse aussi, la thèse qui est la stricte opposée de la catharsis, ce serait on joue pour forger nos armes, pour être concurrentiel sur le marché. C'est pareil, j'ai pas l'impression de jouer pour ça. Enfin, moi je pourrais bien jouer toute ma vie et sans rentrer sur le marché. Il y a un niveau d'abstraction à la compétition dans le cadre du jeu, que ce soit du jeu sportif ou du jeu, ce qu'on fait rentrer les sports dans le jeu aussi, qui est c'est la compétition pour la compétition, point barre. Parce que quand on parle en économie de concurrence, c'est pour dominer un marché, pour faire des ventes, pour etc. Et du coup, qu'est-ce que ça crée, notamment la compétition pour la compétition? Moi, je fais des compétitions de Street Fighter. Si c'était de la compétition telle qu'on le conçoit dans la vie réelle, les joueurs les plus forts, ils diraient « Bah non, moi, mes secrets, je les garde pour moi, c'est comme ça que je suis le plus fort. » Ce qu'on observe, c'est que dans la compétition, il y a de l'entraide entre les compétiteurs, même s'ils sont adversaires. Et c'est, enfin, en tout cas, dans le jeu, moi je vois dans tous les. Le sport à haut niveau, je sais pas, parce qu'il y a des enjeux professionnels maintenant, il y a des enjeux économiques dans le sport à haut niveau, ce qui est un problème maintenant avec le jeu même sportif, quand on parle d'e-sport, etc., où il y a des enjeux qui sont autres que ludiques, mais quand il y a que des enjeux ludiques dans une compétition, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des compétiteurs forts pour être encore plus forts que les forts. Alors que dans la situation économique, le compétiteur est préféré à des compétiteurs faibles pour être le plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il en soit, la compétition, ça, du point de vue spectatorial, c'est intéressant, ça peut générer du beau jeu, donc du spectacle. Ça génère éventuellement de l'enjeu, donc c'est un levier motivationnel pour la plupart des gens, ce qui vont peut-être vouloir aller dans la ligue supérieure ou gagner tel tournoi, etc. Là où ça peut poser problème, c'est quand il commence justement, où ce qui était strictement ludique commence à avoir des incidences dans la vie réelle, à savoir notamment économique. Et c'est la question de ce qui est en train de... C'était déjà plus ou moins le cas, mais ce qu'est le sport actuellement est l'e-sport. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème et il est à mon sens strictement financier. C'est-à-dire que moi ça me gêne pas que des gens passent leur temps à s'entraîner pour être bon au tennis ou bon à StarCraft et fassent des compétitions et que les gagnants gagnent, mais pour moi en fait la victoire a une valeur intrinsèque. On a gagné, mais c'est déjà en fait la récompense, c'est d'avoir déjà, c'est le fruit de cet entraînement. Par contre, la question de la valorisation du travail, j'en suis parfaitement conscient, et moi j'aurais tendance à proposer un modèle social ou mutualiste, dire par exemple, bah vous êtes sportif, on vous paye pour vous entraîner, pour parfaire votre discipline, que ce soit un ou deux SMIC, je m'en fous foncièrement, ça c'est des chiffres après, où on puise de l'argent, c'est juste à rendre l'équation plus complexe. Donc que vous alliez loin à Roland-Garros, que vous vous fassiez bouler au premier tour ou en finale, pour moi j'aurais tendance à dire, bah oui, vous avez passé tant de temps à vous entraîner, une centaine d'heures, eh ben, y en a qui ont plus de chance, ou qui sont plus forts, ou qui sont ceux-ci. On vous paye, vous êtes du coup, on vous donne, vous avez votre salaire de sportif. Et pareil, dans l'e-sport, ça assainirait énormément. Parce que du coup, on se retrouve avec des enjeux financiers qui posent ensuite la problématique de la triche, de la starisation, de la marginalisation. En fait, il y a plein de problèmes qui sont connexes en fait, au fait qu'on injecte en fait, dans cette compétition des les problématiques qui sont celles de la vie réelle. Pourquoi en fait, le marché est si agressif, je ne parle pas des jeux là pour le coup, bah, c'est à cause des enjeux économiques. Et souvent, quand on commence à mettre de l'argent dans la compétition, moi, ce que j'ai repéré, c'est, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Street Fighter, il y a ce qu'on appelle les money match. C'est-à-dire qu'on va jouer, mais c'est le gagnant, il va repartir avec de l'argent. Et parfois, les enjeux montent assez haut. Pour certains, en fait, notamment, c'est une question qu'on se pose aussi pour le poker. Le poker, c'est un jeu compétitif, c'est est-ce qu'on joue avec des jetons, est-ce qu'on joue avec de l'argent? Il y a certains qui disent, ouais, mais l'argent, ça motive plus. Mais moi, ce que j'ai eu tendance à repérer, c'est que ça a tendance même à déjà nuire à la beauté du jeu, souvent, et aussi nuire à la qualité de jeu. Souvent, les gens, quand ils se disent, ouais, mais là, si je perds... Je perds 2 mois de boulot, de mon boulot, de ce que je fais à côté. Ils jouent pas pareil que quand ils se disent « Ouais, mais là, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de jouer le mieux possible. Ce coup-là, il est intéressant. » mais tu vois, un coup intéressant mais dangereux où tu fais les, l'évaluation des risques, etc. Quand tu risques 2 mois de ton salaire ou quand tu risques de perdre la partie, tu prends pas les, les mêmes enjeux. Après, quelqu'un qui joue sérieusement, il a pas envie de perdre. Donc c'est, oui, c'est l'idée que quand il y a de l'argent, les gens sont plus sérieux, qu'ils ont plus envie de gagner. Mais en fait non, quand tu joues sérieusement, t'as pas envie de perdre. Mais quand en plus tu risques de perdre quelque chose dans la vraie vie, ça te met une panique et ça te, ça frustre les joueurs. Moi je trouve souvent que ça joue moins bien dans les matchs où il y a de l'argent que dans les matchs où il y a juste des jetons et où il faut être le meilleur. C'est assez souvent vrai d'ailleurs au poker, on a une expression, c'est scared money. C'est l'idée en fait que là on a trop à perdre et du coup ça altère complètement notre jeu. Scare, on est effrayé, c'est-à-dire que notre jeu est altéré parce que l'enjeu financier est trop élevé, alors que normalement une des manières de faire au poker, c'est respecter des ratios en termes de buy-in, en termes de d'argent qu'on est prêt à investir, qui est censé être un pouillème, un cinquantième, un centième, pardon, de nos revenus de l'activité, de nos revenus qu'on est prêt à mettre au poker. Ce qui fait que on doit jamais se poser la question de la perte. Si on se pose la question de la perte, ça altère considérablement notre jeu, ça peut nuire au spectacle, et en plus ça fait vraiment une ambiance qui est assez mauvaise. Et nous, on a eu aussi, parce qu'on va pas dire que tout le monde joue bien au poker dès qu'il n'y a pas d'enjeu, il faut quand même deux fois de l'enjeu. En fait, il se trouve que le poker, c'est un jeu où il y a une part du hasard qui est relativement forte, même si on sait qu'aussi c'est un jeu technique sur le long terme, parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et on a un problème, c'est que dans les jeux où effectivement il y a trop d'aléatoires, comment motiver les gens à essayer bien jouer, comment les motiver, quel enjeu on va régler, va assurer la qualité de jeu. Alors ça peut être l'argent éventuellement, on a vu que ça marche pas tout le temps, peut-être ça marche à une certaine échelle. Et nous, ce qu'on avait fait à une certaine époque, pour justement qu'il y ait de l'enjeu, que les gens aient peur de perdre, mais sans perdre de l'argent, on avait fait une compétition, justement. Si on veut une sorte de leaderboard, on était donc dans une colocation, il y avait plein de gens. J'avais fait un tableau en Velleda, et on notait toutes les parties. Et on perdait, on gagnait des points qui n'avaient de valeur que pour ceux qui pensent que ça a de la valeur. Et très rapidement, les gens étaient là. Ah, je suis à moins de 100. Ah bah oui, t'as perdu 3 parties. Ah, je vais essayer de remonter à 0 et ensuite de remonter. Simplement, gagner des points. Et il y avait de l'enjeu, les gens voulaient gagner des points, ça valait rien. C'était juste que du coup, on avait fait ce système qui a duré 1 an. Et les gens, du coup, ça assurait une qualité de jeu sans mauvaise ambiance et du coup sans faire rentrer la finance dans la boucle. Cela dit, j'ai l'impression qu'en jouant sur les volumes d'enjeu, on peut tout à fait tempérer ça. Si, alors là, tu parles de points, mais en mettant de l'enjeu hors jeu, pas juste des points, mais par exemple des tours de vaisselle. Dans une colocation, ça peut être une problématique de savoir que c'est celui qui a le moins de points qui se tape la vaisselle. Ça permet de diminuer les enjeux tout en ayant toujours des enjeux réels. Et je ne sais pas si ça provoque des effets délétères. Je me demande à quel moment il est le cliquet qui fait que l'enjeu du jeu devient un truc qui provoque des effets contre-productifs dans la pratique même du jeu. Moi, j'aurais tendance à être strictement comme Kaiwa là-dessus, en disant que quand les enjeux du jeu sortent du cadre du jeu, ça devient une perversion un peu du jeu. Et effectivement, même le tour de vaisselle, moi, je trouverais ça injuste, parce que ça dépend quel jeu on choisit. Il faudrait choisir un jeu sur lequel on est tous à égalité à ce moment-là. Parce que sinon, admettons que nous deux, on soit très bons au Mahjong et que nos deux colocataires, ils soient mauvais au Mahjong. On dit, les tours de vaisselle, ça va se jouer au Mahjong. Nous, on est sûr de se gratter les couilles pendant 2 mois et pendant que les autres, ils lavent la vaisselle, quoi. Oui, c'est sûr, faut trouver le bon support, on est d'accord. Ouais, mais là, en l'occurrence, vous parlez d'une partie d'un tournoi de poker où même dans le cadre d'un groupe, même ceux qui avaient le moins de points, qui étaient a priori le moins bien disposés, jouaient quand même et essayaient quand même de gagner des points. Mais parce que, encore une fois, c'était quand je disais compétition pure, ça fait des formules de philosophe, mais c'était la compétition pour la compétition. C'était pas en vue d'autre chose. C'était on jouait pour jouer et on voulait être le meilleur pour être le meilleur. Mais dans le cadre du jeu, ça sortait pas du cadre du jeu du coup. C'était juste un tableau en Velleda, comme il dit, avec. On parlait en évacuant un peu rapidement au début un phénomène qui est proche de la compétition, que j'appellerais grossièrement le tirage de bourre, quand dans le cas de jeux coopératifs, des joueurs essayent de faire plus que leurs camarades de jeu. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus répandu que ce que tu sous-entendais, Yann. Moi, je l'ai vu pas mal sur des jeux type Diablo, par exemple, avec celui qui va réussir, ou globalement sur des MMORPG, avec celui qui va réussir le plus gros score de dégâts. Il y a des jeux. En jeu de rôle notamment, je pense à un jeu qui s'appelle Agone de John Harper, où c'est intégré dans les mécaniques. Pour le coup, on joue des héros grecs, et donc perpétuellement, dès qu'il y a un défi, tous les joueurs peuvent se lancer dedans. Celui qui réussit mieux que les autres aura un petit bonus d'expérience qui correspond aussi pour le coup à une mécanique d'histoire, à savoir que les héros grecs, ils sont tout le temps en train d'essayer de montrer qu'ils ont des plus gros biscottos que leurs voisins. Et pour le coup, un truc qui tendrait à te donner raison, c'est que le jeu vidéo sur ligne, sur internet, qui est réputé pour avoir la plus mauvaise communauté, la communauté la plus toxique, c'est un jeu, entre autres, de coopération, c'est League of Legends, où effectivement, quand tu perds, non seulement t'as tes adversaires qui sont vulgaires en face en disant ah, « Ah, les connards, ils ont perdu !» et en plus, t'as tes coéquipiers qui te disent « Ah, c'est ta faute si on a perdu, espèce de sale con !» Il n'y a pas, par contre, le phénomène d'essayer d'être meilleur que les autres dans son propre mais groupe. Il si, bah, y a de ça aussi. C'est difficile à évaluer. Comment franchement, quand tu regardes des streamers qui font du League of Legends, ils arrivent en disant « Ah, c'est un tel, je vais leur montrer comment on joue à League of Legends. » Alors que c'est tes coéquipiers. Moi, je suis profane de League of Legends, mais ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose faut pas négliger. J'ai l'impression que vouloir être meilleur que les gens de son groupe, c'est pas vraiment une motivation. J'ai l'impression que la mécanique principale, alors je vais pas trop la marginaliser non plus, mais j'ai l'impression que la motivation principale, c'est le classement de ligue. C'est-à-dire qu'en gros, certes, on joue en coop, mais avec pas forcément toujours avec les mêmes gens. Alors quand c'est un groupe d'amis, ça se passe bien, mais souvent c'est des gens un peu que tu rencontres comme ça. Du coup, l'idée, c'est ton propre classement qui est au final altéré par ces victoires successives. D'où l'intérêt d'être mis avec des bons joueurs ou de jouer toujours avec ses potes. Mais sinon, t'es mis dans une équipe de joueurs que tu connais pas. Et j'ai l'impression que le levier de motivation principale, en dehors de la partie, on est encore dans le jeu, c'est justement monter au classement. Et c'est pour ça que tu trouves ça désagréable d'être mis avec des gens mauvais et que tu vas même les insulter. Les plus grosses insultes, c'est au sein d'une même équipe. C'est mais putain, gros noob, pourquoi t'es allé partie parti faire ci ou faire ça, parce que toi tu vas perdre des points alors que t'as pas mal joué. J'ai l'impression et j'ai des doutes sur le fait qu'il y a peut-être une forme de sociocentrisme dans ton point de vue là-dessus, Yann, qui est que c'est vrai que nous on vit entre joueurs et on joue avec des gens qui sont joueurs et qui jouent pour le jeu. Moi c'est des attitudes que avant de rejoindre ici, quand je jouais avec des collègues à la fac etc, que j'ai vu aussi, de c'est un jeu en coopération, mais quand on a tous gagné, il y en a un qui est là pour dire en disant ouais mais c'est quand même surtout grâce à moi. Justement dans ces comportements, j'ai l'impression, alors, parce que c'est vrai que par ailleurs on vit dans une société avec un modèle scolaire et un modèle économique qui nous pousse aussi malgré tout à vivre la concurrence comme quelque chose de bénéfique etc, où on nous vend la gagne tout le temps, et du coup même en situation de coopération on a envie de dire bah ouais mais c'est quand même pas grâce à toi si on a réussi. Tu utilises le terme scolaire et justement ça rejoint à peu près ce que ma théorie que j'ai envie de tester ici, c'est qu'il y a des attitudes donc compétitif très classique où effectivement en termes de classement qui peut devenir du coup un spectacle aussi puisqu'il y a cette idée de hiérarchisation, de démonstration de capacité, et aussi récréatif qui est peut-être justement cette attitude de fair play, de beau jeu et d'envie de jouer dans une condition justement récréative, donc plutôt dans la bonne ambiance. Est-ce que justement c'est peut-être ça qui distingue l'e-sport de du jeu entre amis, du Counter-Strike ou que sais-je, entre potes? Non, ça a pas l'air de vous inspirer. Non, Dester, leader, attends, tu pourrais préciser la fin, parce que je croyais qu'il y avait encore une phrase qui arrivait après, donc j'étais en train de t'écouter. Non, c'était ma théorie, après, justement, ma théorie, c'est qu'il y a deux sortes d'attitudes. Il y a une attitude vraiment compétitive pure, vraiment l'idée de classement qui, du coup, après... Strict, c'est-à-dire que on évacuerait, d'après toi, la majeure partie des gens, par exemple, qui seraient dans une attitude compétitive pure, ont complètement évacué la dimension récréative, en ce sens ? Alors, oui, en fait, récréative, pour moi, c'est... Bah, on s'en fout du classement, de fin. C'est vraiment, on joue entre potes. Ah, d'accord, ok. On gagne, on gagne pas. Ah, ouais, non, c'était d'accord, ok. C'est l'idée, si à la fin, s'il y a un classement, du coup, là, ça devient peut-être sportif parce qu'il y a l'idée de comparaison de résultats. Oui, ça peut mettre mal à l'aise. On sait que, par exemple, il y a des gens qui ont, dans nos amis, tout ça, et en fait, c'est logique, vu que le système scolaire est violent, qu'ont vécu avec violence ce système, ou dans le monde du travail, des violences, et qui, parfois, dans le cadre du jeu, effectivement, n'aiment pas être classés, n'aiment pas être en opposition pour cette raison que ça les ramène peut-être à des problématiques et des traumas. Ça, c'est, en fait, c'est assez vrai. Mais après, moi, je suis aussi en problématique face à ce que tu dis en disant il y a la compétition pure et de l'autre côté, il y a l'idée du beau jeu et du fair play, etc., qui en fait se retrouve chez les compétiteurs et qui, quand tu fais de la concurrence un peu violente, notamment comme la concurrence à l'école, on fait pas rentrer l'idée de fair play. On va pas chercher le fils de bourgeois en disant bon d'accord, t'as beaucoup de livres chez toi, mais sois fair play, les lis pas trop pour que ceux qui les ont pas puissent te rattraper. C'est l'idée de fair play dans la concurrence économique ou dans la concurrence violente, elle n'existe pas. Par contre, l'idée de fair play dans le sport ou même dans la compétition pure, etc., elle existe. En fait, je pense que les gens qui jouent pour le score et qui jouent pour la première place, ils jouent aussi pour le beau jeu. Et ils veulent aussi que leurs adversaires ils jouent pour le beau jeu, etc. Il y a cette volonté de jouer contre des adversaires qui sont forts. Après, du coup, effectivement, il y a une autre attitude. Je pense qu'on peut revenir à l'idée du fun, le hard fun, etc. Qu'il y a des gens qui trouvent leur fun pas dans l'idée de gagner. aussi. C'est comment c'est une question d'attitude ludique. C'est deux, ça reste deux attitudes ludiques. Effectivement, il y a des gens qui disent bah, moi, je veux créer des situations qui m'amusent. Et parfois, les situations qui m'amusent sont des situations sous-optimales. Par exemple, moi, j'aime bien que ça crée des situations rigolotes. Disons, moi, je joue à Counter-Strike. Moi, ce que j'aime bien, c'est jeter des grenades parce que ça explose et les explosions, ça me fait rire. Puis là, il y a un joueur qui joue pour lui, qui joue pour le score, etc., qui dit « Bah oui, mais les grenades, normalement, c'est circonstanciel. T'es pas censé faire ça tout le temps. » Puis moi, si je lui dis « Ouais, mais moi, ce qui m'amuse, c'est jeter des grenades. Je jette des grenades, laisse-moi tranquille. » Et c'est, en fait, c'est quand on fait cohabiter des gens avec des attitudes ludiques différentes que ça pose problème. On en revient toujours à ce problème-là. Mais c'est pas, il y a pas une attitude de compétition, une attitude qui serait, ça reste deux attitudes ludiques qu'on a du mal à faire cohabiter, mais qui restent deux attitudes ludiques. Est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est une question, c'est vraiment c'est une ligne lancée comme ça, je sais pas trop si c'est possible, mais est-ce qu'on peut imaginer des systèmes compétitifs qui tiennent pas justement au hard fun, au surpassement d'obstacles ou au surpassement de l'autre, mais qui sont, comme on peut l'avoir dans certains remarques, je pense que ça s'imagine, des choses qui vont chercher par exemple du côté du serious fun, où on cherche à apprendre des choses en jouant, ou du people fun, le fait d'avoir rencontré et échangé avec d'autres, est-ce qu'on peut imaginer des systèmes compétitifs qui se développent dans ces choses-là? Mais c'est exactement ce qui se passe, de fait. Très souvent, la plupart des compétitions, il y a une dimension sociale déjà extrêmement importante. On rencontre pas mal de gens. Alors moi, c'est le cas, par exemple. Mais c'est pas l'enjeu de la compétition en soi. Eh ben, bah pas forcément. Par exemple, des fois, on peut manquer de vocabulaire pour décrire des situations. Si je devais décrire, par exemple, l'ultime décathlon, on fait un décathlon speedrun. Des fois, on dit c'est une compétition. Mais en fait, ce qui ressort, pourquoi les gens s'inscrivent et restent et font des tournois, c'est la communauté, et parce que c'est cool. Et la majeure partie, en fait. Donc finalement, moi, volontiers, je veux dire, c'est une compétition, parce que peut-être sur le coup, on me prend et au pied levé, c'est un des premiers mots que je vais mobiliser. Et pourtant, quand on interroge les joueurs, ils vont, bon, c'est pour souvent le plaisir de jouer, mais surtout la communauté qui est très sympathique. Les tournois, c'est rigolo, ils vont essayer de se dépasser, et quelques-uns vont vraiment essayer de gagner, mais finalement, c'est assez marginal. Ça fait du spectacle, ils sont contents de dire « Ah, c'est rigolo, un tel a gagné des places, machin », mais c'est fait dans une dynamique où ça me semble presque dissonant avec la compétition. Tout ça pour dire que la plupart du compétitif, en fait, implique une grosse dimension sociale et une grosse dimension d'apprentissage aussi, parce que pourquoi j'adore le compétitif même pur, alors que moi j'évacue pas le plaisir en tout cas, hein. Je vais pas employer récréatif pour rester sur la même acception que toi, parce que justement t'apprends des nouvelles stratégies pour justement te rapprocher de l'optimal. T'es constamment, par exemple, que ce que tu fasses du tennis ou du trials, t'es en train d'apprendre un certain nombre de techniques qui vont te permettre de résoudre des situations et de tester, de te dépasser. Donc t'es dans une forme d'apprentissage qui est très réglé dans... On n'est pas en train de t'apprendre... On sait très bien d'apprendre l'histoire ou d'apprendre la littérature. Je parle de se perfectionner dans son art, enfin, en ce sens-là. Dorian ? Je n'ai rien de plus à ajouter avec Liliane, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que souvent les compétitions qui perdent ces deux dimensions, pour t'en rejoindre peut-être, où justement, où il n'y a plus cette socialisation qui est trop marginalisée, et peut-être c'est le cas au niveau dans l'e-sport, où justement les enjeux financiers, où il y a un certain nombre de choses, de pression des sponsors ou d'enjeux qui font que ça change la dynamique, c'est vraiment regrettable, moi je le vis, c'est vraiment un mauvais modèle. Et pour le fun d'apprendre, moi je sais que quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est tout ce qui est quiz et blind test. J'aime bien faire des blind tests aussi, parce que même quand je perds, imaginons que ce soit un morceau qui me plaise, j'apprends un nom d'artiste et un nom de groupe, de trucs que je pourrais réécouter par ailleurs. Donc ça existe ponctuellement, mais moi je pense à Question pour un champion. Je pense que le public qui s'intéresse à Question pour un champion vient pas nécessairement voir la compétition entre de joueurs, tant que effectivement vérifier sa propre culture et apprendre des nouvelles choses. La question à laquelle tu... Bah après, c'est aussi, on en revient toujours sur le modèle compétitif, on en revient quand même surtout aussi à l'école. C'est vrai qu'on nous a bourré le mou à l'école en nous disant se tromper c'est mal, alors qu'en vrai c'est aussi quand t'arrives à Question pour un champion et que tu te trompes, ah, après t'as la réponse et du coup c'est cool, t'as appris quelque chose parce que tu t'es trompé. Après moi j'ai quand j'étais petit, beaucoup regardé Question pour un champion. Il est assez vrai qu'on peut le regarder pour tout un tas de motivations, y compris apprendre des choses. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une dimension spectaculaire avec vraiment une narration qui se tisse au fur et à mesure des épisodes avec justement ces candidats qui restent, quand ils sont qualifiés, ils remettent en jeu leur gain. Il y avait quand même ça dans les mécaniques, vraiment, dans le gameplay, on va dire, de Question pour un champion, dans la narration, dans ce qui se tissait, il y avait quand même ça. Il fallait gagner 5 fois d'affilée. Et si par exemple tu disais au bout de 4 fois, ouais, j'ai gagné, je remets mon titre en jeu et tu perdais, il y avait des grosses émotions associées à ça. Donc faut pas. Je pense que ça, c'était une des motivations quand même qui était là. Moi, j'ai jamais vu personne à Question pour un champion gagner une fois et dire moi, les 10 000 euros, ça me va, moi je me barre. Si, si, il y en avait. Il y en avait. Mais c'était beaucoup moins que ça. Ouais. Quand c'est des trucs de culture, en général, ça rapporte pas beaucoup. Ouais. Généralement, c'est des dico ou ce genre de choses. Pour les perdants, j'adore. Moi, j'adore la blague. Moi. Et moi, j'ai surtout vu des gens revenir à Question pour un champion. Les gens qui gagnent, ils revenaient. Parce qu'ils venaient même pour jouer aussi. C'est ceux qui t'ont marqué. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Après, je suis loin d'avoir regardé tout Question pour un champion. J'ai pas regardé depuis 20 ans. Mais globalement, en tout cas, à l'époque, il y avait quand même. C'était pas rare hein, des gens qui. Alors, pour clôturer la séquence Question pour un champion, je vous invite à lire le reportage qu'avait fait Bikini Magazine sur les fans de jeux télévisés. C'est assez rigolo. Il y a notamment des grands grands fans et des grands participants de Question pour un champion. Mais justement, cette dimension spectaculaire du jeu fait émerger un autre terme qui est la performance. Qu'est-ce qu'une performance? Qu'est-ce qui la caractérise? Parce que il y a plusieurs types de performance. Il y a la performance en termes de résultats numériques, entre guillemets. Il a gagné tant de points, il a gagné tant de questions pour un champion. Et la performance de style, c'est ah ouais, il, non seulement il l'a fait, mais il l'a fait avec style. Qu'est-ce qui caractérise peut-être sur le speedrun CDV, toi qui vois, bah ok, certes, des gens qui finissent les jeux rapidement, mais en plus ils le font bien. Mais il y a les questions. Il y a les questions de catégorie aussi. Quand on la performance aussi, on crée de nouvelles catégories pour la performance. Je pense à Spelunky, qui est donc un jeu de plateforme qui est extrêmement dur, etc. Où il y en a quelqu'un où on s'est posé la question à un moment donné, est-ce que c'est possible de le finir sans tuer aucun ennemi et sans récupérer d'or? Et du coup, il y a un type qui a fait, on crée une nouvelle catégorie, et dès le lendemain, il y avait un record de gars qui a fini le jeu sans tuer aucun ennemi, sans récupérer d'or. Hein. Et du coup, ça devient de la performance, parce qu'il se rajoute des nouvelles contraintes. Et du coup, forcément, c'est, ah oui, il rend le jeu encore plus dur. C'est tout le truc du Nuzlocke Challenge dans Pokémon aussi, où on rajoute des contraintes en plus pour rendre ça spectaculaire. Hein. Et effectivement, du coup, vu que la difficulté crée du spectaculaire, si on se rajoute de nouvelles difficultés, ou si on fait un truc gratuit, ce qu'on appelle les playerounds dans le speedrun, qui est que on va peut-être même pas finir le jeu, mais on va faire des trucs rigolos en poussant les systèmes au maximum. Le mot performance, je répondrai de manière plus large que le speedrun, ça m'évoque deux choses qui sont intéressantes. La performance, c'est pas faire mieux, ça ce serait peut-être la compétition, c'est faire bien ou faire différemment. Et dans ce cas-là, faire bien, c'est en gros on regarde un petit peu comme si l'humanité se battait contre un absolu, qui est dans une discipline précise, faire le mieux possible, et auquel cas on va dire il a fait, il a développé des techniques, une agilité, une intelligence incroyable. Et le faire différemment, c'est l'esprit brillant, c'est penser une nouvelle stratégie ou à un nouveau pas de danse, parce que c'est beaucoup plus large finalement que on peut penser à la danse, on peut penser ils appellent ça souvent, il y a des performances d'ailleurs littéralement je veux dire, mais il y a quelque chose d'un moment comme ça, il se passe un truc où il y a quelque chose de différent, de pertinent, de bien, qui nous touche, et du coup la dimension spectatorielle est vraiment importante, et c'est très inscrit dans le temps, c'est pour ça d'ailleurs la performance, ça s'inscrit dans un lieu à un moment, même si là on peut évidemment le regarder après coup en vidéo, pour le coup c'est juste que ça diffère, le canal d'information qu'on a pris était différent, mais ça va être notre moment, certes en différé par rapport à l'événement, mais nous ça va être notre moment où on le découvre, et ça va être une temporalité particulière qu'on raccroche au truc, mais il y a quelque chose de cet ordre en tout cas. Moi j'aime bien la polysémie du terme performance, parce qu'effectivement il y a le fait de faire très bien, ou en tout cas d'avoir des scores si on veut fort, et puis le fait d'être dans une position d'artiste et de spectacle, et quelque part j'ai l'impression que c'est ce qui se joue aussi dans l'approche compétitive qui me semble-t-il, en tout cas dans le jeu vidéo, a toujours une notion de diffusion. On joue pas avec juste les deux joueurs et un éventuel arbitre enfermé dans un hangar. Il y a toujours une idée de public aussi dans cette compétition performance. Il y a beaucoup une idée de public, et notamment le phénomène du streaming est je pense très très présent là-dedans quand même, non? Ah oui, non, carrément. Là. Mais c'est... D'ailleurs, c'est dans la définition même du sport, de manière plus large, en fait. Il y a cette idée, c'est pas juste des gens qui font une activité physique dans leur coin. Quelqu'un, même d'ailleurs, quelqu'un qui fait du footing tous les dimanches dans son coin, c'est pas du sport dans la définition. Même si les gens, en fait, souvent mélangent les concepts, ils associent... Il y a vraiment l'idée, comme on disait, de règles, d'institutions, de compétition, mais aussi cette idée qu'il y a potentiellement des spectateurs. C'est fait aussi pour être vu, c'est fait dans un cadre particulier. C'est pas juste, moi je joue aux vidéos dans ma chambre, bon bah voilà, je joue aux vidéos dans ma chambre, c'est cool. Mais là, il y a un cadre, il y a peut-être des spectateurs, c'est une dimension vachement importante, et c'est même beaucoup plus large que le... J'élargis, c'est pas que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est privilégié pour une question qui est vraiment sociotechnique. C'est internet, c'est facile à capturer, c'est facile à diffuser. C'est du contenu audiovisuel tout près. Voilà, c'est privilégié de ce point de vue-là. Il y a des gens qui regardent des compétitions d'IA entre elles. Il y a un truc sur Twitch qui marche beaucoup, c'est SolTibet. Et SolTibet, il y a un jeu de combat où c'est CPU contre CPU et on va essayer de parier sur lequel va gagner. C'est le truc des poissons aussi, les poissons qui jouent à Street Fighter. Il y avait des poissons qui activaient, en fonction de où ils étaient dans leur bocal, ça activait des coups de personnages de Street Fighter. Et du coup, c'était un poisson contre un autre poisson qui se battait à Street Fighter. Et les gens, ils regardaient les deux poissons en train de se... En fait, les poissons, ils nageaient dans leur bocal, c'est tout. Mais ça activait des personnages de Street Fighter et ils regardaient ça. Oui, non, Emmanuel m'a donné le micro alors que je ne pourrais pas te poser une question. Mais effectivement, SolTibet est réputé aussi pour son côté très humoristique. Alors non seulement, bon, t'as les IA qui peuvent faire n'importe quoi éventuellement. Puis parce que c'est des personnages aussi. Du coup, tu vas te retrouver avec Dark Vador contre Homer Simpson. Donc c'est, voilà, faut aussi préciser. Avec les matchs qu'on appelle canon, quand tu vas te retrouver avec Dark Sangoku contre Ultimate Vegeta, c'est les matchs canon. Donc les gens, ils sont là... Donc, justement, et là, on est en plein dans la société du spectacle. Et effectivement, notamment... Le jeu vidéo a aussi cet aspect, on l'a évoqué très rapidement. Après, SolTibet, il y a un truc de game design autour, ce qui est le système de paris, etc. Voilà, avec de la fausse monnaie, etc. Et en fait, oui, je voulais juste revenir sur le point vidéo pas cher, notamment la télévision et encore plus Twitch a permis la diffusion de performances très précises parce que c'est du contenu tout prêt à diffuser, contrairement, je sais pas moi, à la pétanque où là il faut être emballé des caméras, etc. Mais c'est plus complexe, ouais. Oui. C'est vrai que nous on est en capacité de faire un ultime décathlon, faire un tournoi de foot diffusé en direct sur Twitch. Je pense pas qu'on ait les moyens techniques de le faire. Là, il y a un mot qui m'est venu quand tu disais ça, c'est intéressant, parce que quand tu as une communauté, c'est pour ça que le speedrun ou d'autres pratiques un petit peu alternatives sont intéressantes, parce que peut-être il n'y a pas encore les pressions, une fois encore les enjeux financiers, etc. C'est l'émulation, en fait, qui est pas tout à fait un synonyme, mais qui en fait décrit pas mal, parce qu'il y a cette idée, en fait, qu'on va essayer de mieux faire que notre dernière performance, on va peut-être essayer mieux faire que ses potes ou ses voisins, mais on partage en fait les savoir-faire et les techniques, etc., de telle sorte qu'il y a une accumulation des savoirs et un niveau de jeu moyen qui monte, et les records du coup sont de plus en plus impressionnants. Il y a cette idée qu'ensemble, en fait, on va trouver des nouvelles choses et on fait progresser finalement la communauté et les connaissances sur ce jeu, de telle sorte que la performance, le record du monde dans telle catégorie sur tel jeu, va être plus impressionnant. En fait, c'est un bon exemple. Des fois, on pourrait dire compétition, mais vu qu'en fait, il n'y a ni les enjeux, ni la volonté stricte d'écraser les autres, de manière marginale, on pourra toujours trouver des vérités égotiques à droite à gauche dans toutes les activités humaines. On trouvera des gens. Mais principalement, ce qui se dégage, c'est ce partage en fait, des savoir-faire pour justement faire mieux ensemble. Et on a à tel point que, par exemple, pour le speedrun, il y a des gens qui vont chercher des techniques sans être eux-mêmes joueurs. Ils ne pourront pas, du coup, à proprement parler, exécuter ce qu'ils ont préalablement pensé ou conçu. Ils vont aller voir des gens qui vont être capables, parce qu'ils ont la connaissance du jeu ou la dextérité, en leur disant « Je sais qu'on peut faire ci ou qu'on peut faire ça, parce que je suis une sorte de chercheur dans tel jeu, je connais précisément ce qui se passe, et maintenant peut-être que tu vas pouvoir faire ci. » Et du coup, il y a une performance. Mais du coup, émulation, et des fois pour certaines pratiques, est peut-être plus juste. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'il y a un moment donné où la route à suivre pour finir Dark Souls et faire le record du monde, la personne qui l'a mise au point, c'est quelqu'un qui n'avait jamais touché au jeu de toute sa vie. Il trouvait le jeu intéressant, du coup il regardait les speedruns sur Twitch tout le temps, et un jour il a dit « je pense que j'ai trouvé la route optimale pour finir Dark Souls », et il a jamais mis les doigts sur les manettes pour lancer Dark Souls. Est-ce que par le phénomène du streaming, il n'y a pas aussi une nouvelle compétition qui fait son irruption, à savoir la compétition pour le temps d'attention des spectateurs? On ne peut pas regarder deux canaux Twitch en même temps. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent des performances ou qui cherchent une performance vidéoludique pour attirer les spectateurs sur Twitch, sur leur canal, plutôt que sur le canal des autres? Alors, je vais pas dire que ça n'existe pas dans toute activité, mais là, clairement, la dimension qui me gênera, c'est capter l'audimat, mais là, on sort du cadre du jeu, quoi, on est sur le marché du travail. Hein. Ouais, mais du coup, c'est par une performance vidéoludique qu'on cherche à attirer des spectateurs, pas forcément dans un cadre professionnel. Oui, mais on sort du cadre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu comme les tours de vaisselle, etc., quand on sort du cadre ludique. Effectivement, mais tu prends les traders, c'est sur des mécaniques de jeu qui sont aussi, dans la bourse, il y a une logique de compétition, etc., de capter les flux, etc., mais du coup, j'essaierai de revenir ça. On est dans les logiques de travail plus que dans les logiques même de jeu. Ouais, tu produis de l'audiovisuel, c'est un travail, c'est pas du boulot parce que t'es pas rémunéré pour le faire, ou tellement peu que tu peux pas dire que tu payes ton loyer avec ça, mais ça reste du travail, c'est une activité, tu vas y passer du temps, mettre ton savoir-faire, investir dans du matériel pour produire un spectacle, donc tu vas vouloir, entre guillemets, capter peut-être éventuellement l'audimat, mais assez rapidement, enfin c'est relativement marginal, parce que soit on se professionnalise de manière froide et après on s'en fiche finalement de ce qu'on fait, l'intérêt c'est de gagner sa vie, donc de regarder les jeux qui sont en jeu, etc., et là on est un vrai entrepreneur de Twitch ou de YouTube foncièrement, la dimension ludique en fait très vite elle disparaît, parce qu'on va plus forcément jouer aux jeux auxquels on veut jouer ou qu'on aime, si on va c'est quel jeu, qu'est-ce que les gens veulent voir, etc. Les gens qui veulent faire une performance, ils le font. Ils espèrent qu'il y aura des gens, s'il n'y a pas de gens, tant pis. C'est toujours sympa qu'il y ait quelques personnes juste pour parler, parce que l'interaction, c'est quand même important sur Internet, et notamment Twitch. C'est ça, notamment, une des grosses différences par rapport à la télévision. Mais finalement, qu'il y ait mieux vaut une interaction intense avec 5-6 personnes, que quand il y a 600 personnes, en fait, l'interaction devient au final plus faible. Parce que c'est bonjour, lol, en fait, on peut plus. Si on écrit des pavés, on n'est pas lu, parce que la personne est humaine et n'a pas le temps de lire, donc on va faire des phrases très courtes, on va faire des réactions, et finalement l'interaction devient plus faible, elle est quasiment inversement plus faible au nombre de personnes sur le chat, c'est logique, donc voilà, je dirais plutôt soit on va dans le froid entrepreneuriat et là ça sort du domaine du jeu pour moi, ou alors on est dans la performance et il y a le côté geste, on va pas nécessairement chercher à capter l'audimat quoi. Il y a aucun cas dans lequel ça peut pousser la volonté d'avoir plus de spectateurs à produire du beau jeu justement spécifiquement? Dans ta discipline, ça dépend. Imaginons, le mec, de toute façon, s'il décide de faire du speedrun, il va vouloir, qu'il y ait du monde ou pas, il va vouloir toucher, entre guillemets, cet absolu ou se battre. Alors, ce serait quoi précis quelqu'un qui jouerait... Surtout qu'en fait, dans les faits, quand tu regardes bien comment marche Twitch, etc., ce qui va attirer des gens, c'est pas nécessairement de faire du beau jeu, mais ça va être de le faire longtemps aussi, en fait. Plus tu vas être long, plus tu vas agréger des gens au fur et à mesure, etc., qui vont avoir ça en bruit sonore, etc. Les gens qui font beaucoup de vues, c'est des gens qui stream tous les soirs et qui stream longtemps, en fait. Hein. Donc c'est pas forcément lié à la qualité du contenu ni à la performance proposée dans le contenu. Hein. Alors, même en termes de performance, si c'était... Alors, effectivement, si on prend l'exemple... Ça, la question, ça va être quel jeu, combien de temps, à quelle fréquence? Ouais, ça joue beaucoup, parce qu'on regarde, pour reparler du speedrun, c'est pas forcément loin d'être les chaînes les plus suivies, ça boit des performances incroyables, encore faut-il déjà avoir les codes pour comprendre que ça l'est, c'est globalement, ça reste une pratique relativement marginale, et les gens vont préférer des fois quelqu'un justement dont ils aiment la personnalité et qui va échouer sur un jeu, ça fera beaucoup plus de vues, enfin ça, il y aura beaucoup plus de spectateurs. Après le contre-exemple, ça va être entre guillemets l'e-sport, où il y a des choses impressionnantes qui sont montrées, là on est vraiment dans une compétition, mais là c'est un cas particulier parce que là il y a eu un investissement financier massif, c'est pas un petit youtubeur qui s'est dit tiens je vais faire ci, c'est il y a les boîtes, les éditeurs, les développeurs qui ont mis de l'argent pour qu'il y ait des commentateurs, qu'il y ait des structures, qu'il y ait de la réalisation, donc les moyens ont été mis, donc là c'est un peu faussé quoi. Je vais peut-être m'adresser à Manuel d'ailleurs, ça peut être l'occasion. Allez, interviewons-nous entre nous. Bonjour. Alors, en fait, je voulais voir s'il était possible d'imaginer, voir si ça existe, je sais que ça existait mais c'est très critiqué justement, la compétition de jeux de rôle papier. Parce qu'effectivement, ça paraît quand même incongru. Quatre groupes de joueurs, un scénario, lesquels le finiront en premier? Pourquoi pas? Et aussi, du coup, la dimension de performance, parce que, par exemple, quand... allez, je vais prendre un cas que vous connaissez peut-être, CDV et Dorian, c'est Joueur du Grenier, quand il fait du jeu de rôle sur Twitch, ou en stream en tout cas, ne fait-il pas une performance? Alors après, peut-être pas compétitive, peut-être pas sportive, mais il y a quelque chose. Alors c'est deux choses différentes, effectivement. La représentation, un phénomène assez nouveau, hein, la représentation de parties de jeux de rôle en tant que performance et du coup diffusée, il y en a outre-Atlantique, il y en a aussi en France depuis quelques temps, et puis ça se développe, que ce soit chez O-Gaming avec Donjons et Jambon ou Joueurs du Grenier ou d'autres. Mais là, on est vraiment dans la diffusion de parties. C'est l'approche Twitch de la diffusion de parties, quoi. On diffuse sa pratique de joueur pour montrer aux gens qu'on est en train de jouer, parce que il y a une approche par reconnaissance de groupe, quoi, en gros, où globalement, enfin, on assiste à une production audiovisuelle. Ça, c'est un cas spécifique. Pour ce qui est de la compétition, il y en a effectivement eu de la compétition, ça se fait plus trop, ça a disparu, mais il y a eu une époque. Alors, ce qu'on retrouve toujours qui existe, c'est la compétition de scénario ou de conception de jeu. Ça c'est quelque chose qui continue à exister. La compétition en convention, notamment, avec scénario imposé et puis des juges qui évaluent les meneurs de jeu et éventuellement les joueurs avec des critères qui leur sont propres, ça a existé, ça n'existe plus. Certains le déplorent, d'autres l'apprécie, voilà, c'est une vraie réponse de Normand. Et j'ai pas trop d'opinion pour avoir jamais participé. Je suis incliné à croire que donner des, enfin, évaluer la capacité des joueurs à jouer sur quelque jeu que ce soit, ça peut pousser à améliorer son jeu, ça peut pousser à jouer mieux. Si on évalue la capacité à jouer son personnage, bah effectivement on va faire des efforts pour jouer son personnage mieux. Si on évalue la capacité à résoudre des énigmes, on va se creuser un peu plus les méninges, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être un facteur de motivation pour un certain nombre de joueurs, et de ce point de vue là ça peut être intéressant. Après, je crois que dans le jeu de rôle, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France en tout cas, je crois que ça fait plus partie de la culture des rôlistes du tout, et que ça demanderait des efforts de pédagogie très significatifs de leur réexpliquer en quoi faire de la compétition ça peut être intéressant pour leur pratique, puisque le jeu de rôle se vit comme un jeu non compétitif, ce qui pose des questions. Alors, on parlait de la difficulté dans le podcast il y a 15 jours, ça pose des questions de courbe de progression. Comment est-ce qu'on évalue la capacité d'un joueur de jeu de rôle à bien jouer et à progresser dans le temps? Est-ce qu'il joue mieux maintenant qu'il jouait il y a 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est très très compliqué à évaluer. On a quelques outils pour évaluer les pratiques des meneurs de jeu, quelques outils, et ils sont très compliqués, hein. La question du bon meneur de jeu et du mauvais meneur de jeu est à peu près aussi difficile à résoudre que celle du bon et du mauvais chasseur, mais sur les joueurs on en est encore très très loin, parce que je crois que le jeu de rôle se définit plus comme un temps social que quasiment que comme un temps de jeu. Et puis à nouveau, hein, c'est ce qu'on disait, évaluer la performance dans une production narrative, c'est pas simple. Je sais pas si on peut faire du Life is Strange en compétition, par exemple. Ça me paraît pas évident. Et où est-ce qu'on met les critères dans ce cas-là? Il y a peu de chance. Je me permets de préciser, je me suis aperçu que, pour clarifier pour les auditeurs, parce qu'il y a un mot qui a été employé selon deux acceptions différentes. C'est performance. Performance, la première fois qu'on m'a posé la question, moi je l'ai répondu, c'est une activité avec certaines qualités, soit esthétiques, soit qu'on va pouvoir apprécier avec une batterie de critères. On est revenu dessus, et à un moment tu as parlé de la performance comme monstration, le fait de montrer, enfin c'est aussi, mais oui, du coup c'était oui. Pour clarifier, parce qu'en fait sinon c'était, je pense, ambigu, quoi. Mais donc effectivement, mais effectivement, enfin, quand je parlais de stream par exemple, de jeu de rôle, là je pensais performance au sens presque scénique du... Oui, c'est ça, ouais. Donc, carrément, mais c'est pour ça, c'était juste pour préciser. Et mise effectivement en scène. Ouais, mise en scène, voilà. Un truc qu'on retrouve dans le catch aussi, complètement bien. C'est rigolo parce que je me posais la question suite à ta réponse. Ma première, avant que tu donnes ta réponse à la question, je me disais, ah, c'est marrant, j'ai du mal à imaginer une compétition de jeu de rôle. Et après, pour juger de la qualité d'un scénario, la qualité d'un jeu, etc., c'est vrai qu'il y a bien des compétitions de cinéma, tout ça, en fait, on en fait. C'est vrai que c'est des compétitions assez particulières parce que on a du mal. Alors, ça existe peut-être. J'aurais envie de croire, peut-être naïvement, que par exemple quand on fait un film, on le fait, il se trouve que le calendrier, call, etc. Et on va le présenter à un festival. J'ai du mal à imaginer qu'on va aller jusqu'à faire tel film pour participer à tel festival, pour avoir de la visibilité. Je pense que de manière marginale, ça existe, mais je le déplorerais presque. Bah, y a les kinos qui sont des équivalents des game jams, mais pour des films, où on laisse un temps limité aux gens pour faire un film, et à la fin... Oui, mais là, je parlais pas de ça. Moi, je parlais Imagine Cannes, par exemple. Tu fais non pas un film qui... auquel tu tiens et tu dis tiens, j'ai été sélectionné pour Cannes donc tant mieux, mais tu fais un film pour avoir la palme à Cannes parce que tu connais les présupposés, peut-être tu fais une moyenne par exemple socio-bourgeois, tu sais, t'as des espèces de récurrences en fait dans les jurys, tu peux te dire je fais un film pour avoir la palme, bah, une sorte de dénaturation. C'est un peu reproché à certains films, notamment quand on parle de Sundance qui a fait une normalisation du film indépendant américain, où on voit des films, au premier fois rien qu'à des films, tu fais ah ouais, ça c'est un film qui cherche à gagner Sundance ou qui a gagné Sundance. Et puis des compétitions à contrainte, enfin, travailler sur. Il existe un certain nombre de festivals qui travaillent sur une thématique particulière ou un format particulier, que ce soit des festivals de films faits sur mobile, des festivals de films d'animation. Ou des festivals, je sais pas, de polar par exemple, de films policiers. Du coup, je suis tenté de penser que si je suis francophone et que je veux faire un film fantastique, j'ai forcément un peu Gérard May en tête à un moment ou à un autre. Gérard May, c'est possible. Enfin, je suis francophone, quoi. Oui. C'est ce que j'ai dit. Dans le doute. Mais je pense qu'il y a de ça qui joue naturellement. Après, oui, il y a pas beaucoup. Et en jeu de rôle, je suis pas persuadé que quelqu'un qui vient. Enfin, je sais pas. À nouveau, c'est très hypothétique. J'ai moi-même jamais participé à une compétition. Mais c'est des compétitions qui demandent un jury. En tout état de cause, effectivement, on n'a pas des marqueurs. Comme on peut les avoir dans tout un tas de jeux, on peut pas avoir des marqueurs mécaniques qui disent t'as été le plus rapide à répondre ou tu as marqué plus de buts que ton adversaire. Là, ça demande des êtres humains qui vont évaluer, mais c'est des choses qu'on trouve dans des compétitions sportives. Enfin, le patinage artistique fonctionne sur ce genre de mécanique, hein, en termes de compétition. Et là, on est dans la compétition de performance, ouais. pas en termes de score, mais performance en termes de je sais pas, d'élégance, de réussite, de perfection esthétique. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse dichotomie dans ce qu'on peut avoir d'attitude compétitive et dans le rapport qu'on peut avoir à la compétition entre la compétition à score, celle où on bat les autres avec des éléments métriques précis, et celle où on est face à un jury qui va évaluer notre production. Alors c'est assez vrai, mais l'exemple de la danse, faut faire attention, ou le patinage artistique, parce que justement c'est... Donc toi t'as pris la danse, parce que j'ai pensé à plein de choses en même temps. T'as pris le patinage, le patinage, la danse est peut-être justement un meilleur exemple que le patinage, je m'explique. Bon, c'est de la danse sur glace le patinage. Non, parce que le patinage artistique, nous en tant que spectateur un peu profane, on a l'impression justement qu'ils vont juger de manière un peu appréciative, comme on juge en fait, je sais pas, d'une dissertation de français, là je dis ça, évidemment. Je sais que c'est faux, mais je veux dire en gros, où on évalue globalement, on a quelques critères, une petite grille, mais nous on n'en a pas à connaissance, mais c'est extrêmement précis le patinage, parce qu'en fait ils ont une grille extrêmement analytique, c'est limite s'ils font pas des petites crocs machin, oui c'est bon, il y a eu ci, il y a eu ça, c'était pas bien fait machin. Donc en gros, on est quand même, c'est juste que nous en tant que spectateurs, on nous balance pas ça à la figure parce que peut-être qu'ils pensent que ça nous ennuierait, que ce serait trop compliqué ou que ce serait discutable. Quoi ? C'est que dès qu'on en donne trop, c'est discutable. Donc si on nous dit rien, c'est très compliqué. Vous avez eu 7, là c'est plus difficile de discuter. Mais c'est vrai que là on est resté strictement dans le modèle de la compétition, etc. Mais que ce soit la danse, la musique, etc., c'est réglé dans des cadres compétitifs par les concours. Ne serait-ce que ça aussi. Ah oui, non, mais il y a des compétitions qui n'en portent pas le nom. Ouais. Foncièrement, un concours, c'est intrinsèquement une compétition, quoi. C'est juste que ça sonne mieux. C'est marrant parce que des fois, compétitif, c'est vrai que dans certains cadres, c'est très négatif. Et moi, le premier, hein, je trouve ça dans plein, comme j'ai déjà dit, enfin, dans plein de domaines, je trouve ça vraiment horrible. Ça sonne très mal à mes oreilles. Mais concours, c'est genre, ah, un concours. Bah, pourtant, alors que finalement, il y a ceux qui rentrent dans l'école et il y a ceux qui n'y rentrent pas, quoi. Alors que tu l'adjectives, tu vois, c'est compétitif, ça te fait chier. Mais quand t'as un concours, c'est concurrentiel. Donc là, moi, je trouve ça encore plus violent. Hein. Et en plus, ça paraît valorisant, ça paraît une élévation, alors que compétitif paraît comme une discrimination, sans doute. Mmh. C'est marrant parce que j'ai l'impression, mais là, ça reste au pied levé, qu'on utilise plus le terme compétitif, ou compétition, pardon, parce qu'autant on dit compétitif pour les entreprises, mais on n'ose pas parler de compétition. Ça, c'est quasiment, en fait, on l'emploie assez rarement. On parle, on va te sortir des théories des fois vaseuses pour dire que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec l'harmonie et la concurrence non faussée, etc. Mais on parle de la concurrence. on parle de la concurrence, mais on parle pas de la compétition. Ouais. Par contre, on va dire compétitif. Il faut qu'une entreprise soit compétitive, mais en termes en fait, d'attitude linguistique, c'est intéressant, je trouve. Parce que comme si la compétition, il y a vraiment le cadre très réglé et qui est quasiment finalement très ludique. Parce que dans la plupart d'autres cas, on va dire, pour la musique ou la danse, on va parler de concours, peut-être plus souvent. Les cas limites, ça va être le patinage artistique, en fait, où on est un petit peu à cheval entre les deux. On va volontiers peut-être parler d'une compétition, c'est dans le cadre des JO, etc. Mais c'est intéressant de voir que finalement, foncièrement, c'est très proche. On dit concours, en fait, pour des choses qui sont peut-être plus socialement acceptées que le jeu. Je fais un concours. Non, il y a la sanction, c'est encore pire le concours que la compétition, parce qu'il y a le côté, il y a le label, on te met ton tampon. Ça y est, tu fais partie du Cénacle, t'es rentré. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une attitude compétitive qui serait différente de l'attitude concurrentielle, ou c'est la même? Bah oui, bah finalement, bah oui. Au final, on arrive à ça. Mais il y a le côté, moi j'adore la concurrence, la concurrence, la compétition. Alors, Yann, s'il y a bien une phrase que je ne m'attendais pas à t'entendre dire un jour, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est génial, surtout quand on découpe. J'adore la concurrence, non? Alors, la compétition justement. Typiquement, c'est ça, on a mis le doigt dessus. Ce que j'aime bien, en fait. Pour moi, dans le jeu, en fait, c'est une compétition et dans le cadre, on va dire, économique-social, c'était mis en concurrence. Ou ouais, si on devait faire une nuance, c'est très agressif la concurrence parce que en cas d'échec, t'es marginalisé. Dans le cadre de la compétition, il y a le côté, bon bah, c'est pas grave, c'est sans incident. C'est une compétition devient vraiment concurrentielle quand, comme l'e-sport, en fait, quand tu commences à avoir des gros enjeux financiers qui deviennent des enjeux assez extrinsèques quand même par rapport au jeu à la base. Et là, on arrive vers c'est sur le marché du travail ou sur voilà, là c'est la jungle, on est en concurrence en termes d'audimat, on est en concurrence avec les autres joueurs pour aussi gagner le prize pool, gagner la première place. Ok, donc c'est intéressant ça. Et toi, Dorian, tu te vis comme un joueur concurrentiel ou un joueur compétitif? Compétitif. Ah ouais, heureusement. J'ai raté tous les concours que j'ai essayé. On arrive à peu près une heure de podcast. Déjà ? Et oui, déjà. Hein. C'est fou comme le temps passe quand on s'amuse. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter sur ces notions. On a fait pas mal d'épistémologie, j'ai l'impression, sur cette deuxième heure. On n'a finalement pas tant que ça parlé de jeux. Il reste quand même cette question. J'ai fait que de parler de Street Fighter. C'est vrai que tu as beaucoup parlé de Street Fighter, autant pour moi. Mais aussi de société. Il reste cette question quand même de, effectivement, il y a le jeu compétitif ne peut fonctionner que pour, j'ai l'impression, certains types de jeux. C'est ce qu'on disait quand je disais qu'il me paraît difficile de mettre en place des occurrences compétitives de Life is Strange ou d'autres jeux. Et puis il y a des jeux qui jouent faussement sur la compétition. Moi j'ai pas mal joué à un jeu qui s'appelle 80 Days sur mobile, bien évidemment, parce que vous savez que je ne joue que sur mobile. Et pour le coup, 80 Days, qui est une reprise du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, pousse à voir l'avancée des autres joueurs continuellement, le nombre de jours où ils sont sur un planisphère sans forcément qu'il y ait de gagnant, parce que ça joue en tour perpétuel, et puis effectivement avec la volonté d'essayer de battre cette limite des 80 jours tout en sachant que si on la bat pas, on pourra réessayer un tour supplémentaire sans aucun souci. Est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui jouent avec l'idée de ce que c'est que la compétition? Bah, quasiment tout le modèle free-to-play, hein. Quand tu vois Candy Crush, où tu vois où on est, tes amis, où en sont tes amis Facebook, etc. C'est le principe de ce qu'on appelle les jeux sociaux. Ce qu'on appelle les jeux sociaux, c'est des gens qui... Comment tu pinces la bouche quand tu dis ça ? Bah non, parce que c'est la seule socialité qu'il y a dans les jeux sociaux, souvent, c'est la compétition et l'échange de trucs et le fait d'être obligé d'aller inviter des joueurs pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs. Mais c'est une compétition sans fin. Oui, c'est une compétition sans fin. Où au final, il n'y a pas de grand gagnant. Je sais, est-ce que quelqu'un connaît le nom du champion du monde de Candy Crush ? Il y a forcément un gars qui est tout en haut du classement, j'en sais rien moi, mais personne n'a jamais mis en avant le gars qui est tout en haut du classement de Candy Crush, alors qu'il doit exister pourtant, vu qu'on voit des places à chaque fois, mais vu que tu vois juste les gens de ton cercle d'amis dans les places, etc., il n'y a pas vraiment de champion du monde, vu qu'il n'y a pas le groupe mondial où tout le monde se compare face aux meilleurs. Pour moi, c'est une perversion. Je reste plus ça comme une concurrence que comme une compétition. C'est une mécanique, en fait, on te le gamifie, on te le dit, mais non, c'est pas de la concurrence, c'est rigolo d'accumuler, de regarder ce que font les voisins, etc., mais à la base, c'est quand même pour un business model précis. C'est un jeu qui rapporte plein d'argent. Et c'est plus de la concurrence au sens où la concurrence, ça n'a jamais de fin. On n'est jamais assez riche, il y a toujours des gens plus riches, on est toujours en concurrence avec d'autres, alors que la compétition, au sens où c'est réglé, une saison, ça se termine. Un tournoi, ça se termine. Un jeu, un speedrun, un match de tennis, ça se termine. La compétition se termine, il y en a une nouvelle qui commence. La compétition, ça a une fin, la concurrence, c'est illimité. Et c'est d'ailleurs un des adages du capitalisme, hein, c'est tout. S'accaparer des ressources de manière illimitée, la terre qui peut produire des ressources de manière illimitée, la concurrence, elle est infinie, enfin, c'est des choses qui n'ont pas de fin. C'est un pot percé. Donc c'est ça. Et ben en tout cas, je vous conseille de lire Adam Smith, hein, La main invisible de la concurrence. Lui, il l'a théorisé bien avant nous. Ouais, mais lui, Adam Smith, en fait, il a été très mal compris, en fait. Il a écrit déjà qu'une seule fois La main invisible, et ça, c'était pas pour dire ce qu'on lui a fait dire par la suite, en fait. Vas-y, parce que du coup, alors non, mais je suis plus assez docte sur ce point-là, parce que ça date d'il y a quelques années. Donc je sais que ce que j'avance est vrai, mais là j'ai peur de manquer de précision. Mais il me semble de souvenir que il envisage la contradiction en disant, et si jamais il faut bien que ça trouve un point d'équilibre, etc. Il dit, j'observe qu'il y a un point d'équilibre actuellement, je ne sais pas d'où ça vient, et si je devais l'expliquer, je dirais que c'est comme une main invisible qui manipule. Oui, et il dit comme si, en fait, dans sa formulation. Tout se passe comme si, et les gens ont levé le comme si en disant, ouais, ça s'équilibre naturellement, parce que demande, off, machin, et lui disait comme si, donc c'était déjà pas la même chose, quoi. Bon, et ben en tout cas, on a passé une bonne heure à voir beaucoup de choses, de théories. On espère que vous, comme nous, vous avez apprécié cette heure passée en compagnie de Dorian Chandelier et de Yann Chauvière, alias CDV. Je vais respirer. Très fort compétiteur, on vous bat à tout ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, ça me fait penser que c'est rigolo de voir que peut-être la nouvelle... La nouvelle concurrence maintenant, c'est sur Candy Crush. Mais après, en même temps, ça rejoint les origines du jeu d'arcade où on comparait les chiffres sur la borne. Donc, comme quoi, tout revient à son origine. Nous, on se quitte et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ludologie. On n'a pas encore trop d'idées de ce que ça va être, mais on va bien trouver. En attendant, jouez beaucoup, jouez nombreux, tant que l'on a encore le droit. Mais jouez couvert. Jouer couvert, exactement.